Celui qui déclare un musulman mécréant devient mécréant. Cette règle est prouvée par les hadiths authentiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'un homme dit à son frère, « Ô mécréant », alors l'un des deux le devient, rapporté par le Bukhari ou Muslim. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Quiconque musulman bannit de l'islam un autre musulman, soit il a raison, soit c'est lui le mécréant. » Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Il n'est pas un homme qui traite un autre de mécréant sans qu'un des deux le soit vraiment. Si l'accusé n'est pas mécréant, alors l'excommunication retombe sur l'accusateur. » Mais cette règle ne s'applique sur l'individu précis que sous certaines conditions. Et ce n'est pas toute personne qui déclare un musulman mécréant qui sort automatiquement de l'islam. Et ceci car celui qui bannit un musulman de l'islam le fait pour l'une de ces trois raisons. Le premier, pour le fondement de l'islam. 2. Pour une branche de l'islam. 3. Car il plaisante. Premier cas, celui qui bannit un musulman de l'islam pour son islam. C'est-à-dire celui qui traite un musulman de mécréant car il n'adore pas la croix, ou parce qu'il n'implore pas le secours des saints et des morts, ou parce qu'il refuse toute autre loi que celle d'Allah. Celui-là est mécréant car il ignore ce qu'est l'islam et le monothéisme, et considère que la foi en l'unicité d'Allah et en Allah prophétie de Mohammed est une mécréance, et parce qu'il met la mécréance comme étant meilleure que l'islam. Cheikh Abdullah Abu Boutaïn a dit, quant à celui qui met le chemin des croyants comme étant plus droit que celui des croyants, s'il vise ce que font les gens de notre époque et qu'il dit ce que font les idolâtres d'aujourd'hui auprès des tombes ou autres monuments est mieux que celui qui n'invoque qu'Allah et n'invoque personne d'autre que lui, celui-là est un mécréant sans aucun doute. De même, nous disons que ce que font les idolâtres de notre époque auprès des tombeaux, comme invoquer les morts et leur demander l'exaucement des prières et de consoler les peines, leur offrir des sacrifices et des vœux. Nous disons ceci est incontestablement la plus grande idolâtrie et quiconque la commet est un mécréant. Et ceux qui pratiquent ces cultes auprès des tombes sont mécréants, sans l'ombre d'un doute. Quant à ce que disent les ignorants, vous traitez les musulmans de mécréants. Celui-là ne connaît pas l'islam ni le monothéisme. Et l'islam de celui qui a dit ça est visiblement invalide, car s'il ne condamne pas ces choses que font les idolâtres, il n'y voit rien. Ce n'est pas un musulman. Mohammed ibn Abdel Wahhab dit, et si l'un d'eux disait, vous traitez tout le monde de mécréant, nous disons, pureté à toi, c'est une immense diffamation. Celui que nous traitons de mécréant, c'est celui qui témoigne que le monothéisme est la religion d'Allah et du messager, et que l'invocation d'un autre qu'Allah est vaine, mais après ça, traite les monothéistes de mécréants et les traite de khawarij, et se montre du côté des adorateurs de mausolées contre les monothéismes. Mais nous demandons à Allah, le généreux Seigneur de l'immense trône, de nous faire voir la vérité en tant que vérité, et de nous accorder de nous y conformer, et de nous montrer le mensonge comme étant mensonge, et de nous accorder de le fuir, et de ne pas nous le faire confondre avec la vérité, ce qui nous égarerait. Après avoir pris connaissance de cela, il devient alors clair que les savants du mal aujourd'hui, qui traitent de khawarij, ceux qui traitent les gouvernements laïcs, démocrates ou socialistes de mécréants, et prétendent que c'est eux qui doivent être combattus. Et c'est contre eux qu'il faut avertir la communauté, et non les gouvernements laïcs ou démocrates. Ceux-là sont mécréants sans aucun doute, car ils considèrent que le démocrate, laïque ou socialiste est meilleur que le musulman monothéiste. Surtout lorsque ces savants du mal stipulent dans leurs livres et conférences que la démocratie et la laïcité sont de la mécréance et que la législation de loi humaine est de la grande mécréance. Deuxième cas, celui qui bannit un musulman de l'islam pour une branche de l'islam. Ceci peut provenir de trois personnes. Soit un juriste, c'est-à-dire un juge qui estime qu'un acte donné annule l'islam par erreur ou sur base d'une divergence. Exemple, un juge traite un musulman de mécréant car il ne jeûne pas le ramadan. C'est une question à divergence. Ou bien qui considère certains péchés bien précis comme étant une apostasie, sans en faire une règle générale pour toute désobéissance. Exemple, celui qui estime que tuer un musulman exprès ou que boire du vin est un acte d'apostasie, comme l'estimaient certains compagnons comme Abu Musa al-Ash'ari ibn Omar radiyallahu anhum. Ibn Hazm dit, nous avons en effet rapporté d'après Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, ainsi que Mu'ad ibn Jabal et ibn Mas'ud, et tout un groupe de compagnons, qu'Allah les agrée, ainsi qu'Ibn Mubarak et Ahmed ibn Hanbal et Ishaq rahmahumullah, ainsi qu'un total de 17 hommes parmi les compagnons et leurs disciples, qu'Allah les agrée, que l'abandon d'une seule prière obligatoire exprès en connaissance de cause jusqu'à ce que son heure s'écoule, c'est un mécréant apostat. C'est également l'avis d'Abdullah, compagnon de Malik, ainsi que l'avis d'Abdel Malek, Ibn Habib al-Andalusi et autres encore. Nous avons rapporté la même chose de Omar, qu'Allah l'agrée, ce qui concerne celui qui abandonne le pèlerinage, et Ibn Abbas également, en ce qui concerne celui qui abandonne la zakat et le jeûne, ainsi que celui qui tue un musulman exprès. Ainsi qu'Abu Moussa al-Ash'ari et Abdullah ibn Omar ibn al-As pour celui qui boit du vin. Et d'après Ishaq ibn Ruhaywa, que quiconque rejette un hadith qui provient d'après lui authentiquement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un mécréant. Et également lorsque Omar ibn al-Khattab traita Hatib ibn Balta d'apostat lorsque ce dernier voulut prévenir les idolâtres de la Mecque de l'invasion des musulmans. Alors que l'acte de Hatib, radiyallahu anhu, n'était pas une mécréance, comme l'expliqua Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et d'autres. Ou aussi lorsque Mu'ad ibn Jabal traita d'hypocrite l'homme qui quitta les rangs de la prière lorsque Mu'ad récita une sourate trop longue. Ibn Qayyim dit au sujet du hadith de Hatib, il y a dans ce hadith que lorsqu'un homme affilie un musulman à l'hypocrisie ou à la mécréance par mauvaise compréhension ou par colère pour Allah et son messager et sa religion, et non par tentation ou par plaisir, il ne devient pas mécréant pour ça, ni même pécheur. Il en est même récompensé, selon son intention et son but. Contrairement aux hérétiques qui traitent de mécréants ou d'hérétiques, tous ceux qui s'opposent à leur désir, alors que ce sont eux qui méritent le plus d'être traités de mécréants et d'hérétiques. Cheikh Abdel Latif ibn Abdelrahman et le Shir dit, quant à celui qui traite certains saints de cette communauté de mécréants, par erreur de mauvaise compréhension, et que cette compréhension peut être permise, alors celui-là n'a pas le péché, de par son effort de justice, comme dans l'histoire de Hatib ibn al-Balta, Omar, qu'Allah l'agrée, l'a en effet décrit comme étant un hypocrite et demanda au prophète la permission de le tuer. Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, ne sais-tu pas qu'Allah se pencha sur les gens de Badr et leur dit, faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Alors Omar ne s'acharna pas sur son accusation d'hypocrisie à l'encontre de Hatib. Quant à celui qui traite de mécréant un membre de cette communauté en se basant pour cela sur un texte et une preuve du livre d'Allah ou la sunna de son messager et qu'il a vu une mécréance nette comme l'association à Allah et l'adoration d'un autre que lui ou la moquerie envers lui ou ses versets ou ses messagers ou le démenti de cela ou la haine contre ce qu'Allah a révélé comme droiture et religion de vérité ou le reniement d'un attribut d'Allah ou ses descriptions majestueuses ou les choses de ce genre. Celui qui traite quelqu'un de mécréant pour ces choses-là est juste et récompensé et obéit à Allah et son messager, soit un hérétique, comme les Khawarij et les Mu'tazila qui traitent les musulmans monothéistes de mécréants lorsque ceux-ci commettent des péchés et non pas pour leur monothéisme. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit, quant à celui qui a foi en le messager et ce qu'il a enseigné dans son cœur, mais se trompe dans certaines choses qu'il a mal interprétées comme hérésie, celui-là n'est pas mécréant à la base. Et les Khawarij étaient ceux qui exposaient le plus d'hérésie et de combats contre la communauté, ainsi que son excommunication. Et pourtant, aucun compagnon ne les a bannis de l'islam, ni Ali ibn Abi Talib, ni un autre. Mais ils les jugèrent au contraire de la même manière que les musulmans injustes et oppresseurs. Soit un pervers, comme celui qui traite un musulman de mécréant par vengeance ou par colère. Celui-là est un pécheur désobéissant, coupable de mécréance mineure. Cheikh Abdullah Abu Boutain dit, quant à celui qui traite une personne de mécréante ou d'hypocrisie par colère personnelle ou sans mauvaise compréhension, nous craignons pour lui. Et il dit, un groupe de savants ont déclaré que celui qui juge mécréant un musulman par mauvaise compréhension ne devient pas mécréant. Et Ibn Hajar al-Haytami a rapporté d'après un groupe de juristes de la tendance Shafi'ite qui déclare qu'une telle personne est mécréante si elle dit ça sans que ce soit par mauvaise interprétation. Il rapporta ainsi d'Al-Mutawalli qu'il a dit. Lorsqu'il dit à un musulman « Oh mécréant », sans être victime d'une mauvaise interprétation, il devient mécréant. Puis il dit « Tout un groupe adopta son avis et ils argumentent avec le hadith où le prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, a dit, lorsqu'un homme dit à son frère « Ô mécréant », alors cela retombe sur l'un des deux. Alors celui qui l'accuse est un musulman, il devient donc lui-même un mécréant. Ils dirent « c'est parce qu'il a appelé l'islam mécréance ». Et certains ont critiqué la justification qu'ils avancent, qu'il a appelé l'islam mécréance. Et dire, cette compréhension n'est pas indiquée par les termes du hadith. Et ce n'est pas ça que veut dire cet homme. Mais ce que veut dire cet homme, et ce que veulent dire les termes du hadith, c'est que tu n'es pas sur la religion de l'islam qui est la vraie religion. Mais tu n'es qu'un mécréant, et ta religion n'est pas l'islam, mais moi je suis sur l'islam. C'est ça qu'il veut dire. Et ça ne fait aucun doute. Ceci car il n'a décrit la mécréance que de l'individu, et non la religion de l'islam. Il a nié que cette personne soit de la religion de l'islam. Or, il ne devient pas mécréant pour cette parole. Il doit seulement être puni pour cette insulte dégradante d'un châtiment adéquat. En plus, il implique de leur avis que lorsqu'un homme dit à un adorateur pieux, « Ô pervers », il devient mécréant car il a nommé l'adoration « perversité ». Or, je ne pense pas que quiconque serait de cet avis. Ce que veut dire une telle personne, c'est « Certes, tu commets de la perversité, en dehors de tes œuvres d'adoration, tu commets des choses qui sont de la perversité, mais ce n'est pas ton adoration qui est une perversité. » Et apparemment, l'avis de l'imam al-Nawawi, dans son commentaire de Sahih Muslim, rejoint cet avis. Troisième cas, celui qui traite un musulman de mécréant pour blaguer. Celui-là est mécréant, et la preuve de cela est le verset. Dit « Est-ce d'Allah ?» de ses versets et de son messager que vous vous moquiez, ne vous excusez pas, vous êtes devenu mécréant après avoir eu la foi. Sourate 9, versets 65-66. Point à retenir. Celui qui traite un musulman de mécréant à cause de son monothéisme et de son désaveu de l'idolâtrie, c'est un mécréant car il ignore l'islam et considère l'idolâtrie meilleure que l'islam. Celui qui traite un musulman de mécréant par effort de justice en se basant sur certains textes ou sur un avis de juriste, il est excusé, voire même récompensé. Celui qui traite un musulman de mécréant, non pas à cause de son monothéisme, mais à cause de certains actes subsidiaires sur base d'une mauvaise compréhension ou d'une hérésie, c'est un égaré hérétique à qui il faut établir la preuve. Si après il persiste, il devient mécréant, comme celui qui permet un interdit ou interdit ce qui est permis. Celui qui traite un musulman de mécréant par colère et rancune, c'est un pécheur et non un mécréant.